Le laboratoire, en pleine forêt. Les humains. Comment étaient-ils ? À quoi ressemblaient-ils ? D'après les chaises et le reste des ustensiles du laboratoire, ce devaient être des bipèdes. Des géants. Ratis s'arrêta à quelques pas de moi. Dehors, tout autour du laboratoire recouvert de lierre et de mousse, les rats s'entassaient par centaines. Une armée. Quelle porte, Ratis ? Sais-tu que bon nombre de tunnels amènent ici, dans la forêt ? Des dizaines, des centaines de milliers. Du simple terrier de lapin au trou des racines des arbres. Beaucoup de tunnels. Il n'y avait pas que ton ridicule grand trou. Je vais vous citer. Je vais votre ville, votre technologie et je l'aurai. Pour cela, je connais un moyen, parmi tant d'autres. Mais étant ici, ce moyen me paraît le mieux. Les Taïol. Oui. Le conseil des sages. Le conseil des soi-disant sages. Éole s'est créé autour de ce tunnel. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Car celui-ci, plus que tout autre, permet d'accéder en plein cœur du territoire des Baefwesh. Tout le monde nous connaît alors ? C'est ça ? Tout le monde sait pratiquement tout sur tout sauf les Baefwesh ? Comme c'est étonnant. Les êtres les plus évolués se rendent compte de leur ignorance. Alors à quoi je sers, Ratis, hein ? Finalement, puisque tu peux accéder à nouveau à Wish City, à quoi je sers ? Tu as vu, Erol. Tu connais Wish City mieux que personne parce que tu es un Baefwesh. Et parce que toi et moi... Oui, laisse-moi te raconter une histoire, Mila, puisque c'est pour cela que tu es ici. Une vieille histoire. Celle du monde des Baefwesh et du monde du dessus. C'était il y a bien longtemps, bien longtemps. Wish City devenait la première grande cité des Baefwesh. Et je déclare la naissance de notre grande et belle cité, Wish City! Venait d'être nommé grand dirigeant des Baefwesh. Succédant à ton grand-père qui succédait lui-même à ton arrière-grand-père. C'était un jeune grand dirigeant qui ne savait pas trop comment gouverner. Je pris donc sur moi de m'occuper de son éducation. Comme je l'avais promis à son prédécesseur, j'étais alors le premier grand intendant du gouvernement Baefwesh. Et là, c'est mon trône ? Oui, grand dirigeant. Et là, c'est une fenêtre qui donne sur la grande grotte de Wish City ? Bien entendu, grand dirigeant. Et là, c'est... Oh, oh, oh, ce sont vos trois têtes de persévère. Vous m'avez surpris. Oh, c'est génial. J'adore cette ville. Vive Wish City ! Vive Wish City ! Vive notre grand dirigeant, hein ! Comme être grand dirigeant va me plaire. Et les Baefwesh vivèrent de bonnes années tranquilles. Dans la paix. Quelques escarmouches avec les taupes, mais jamais on ne leva aucune armée. Tout fut propice à l'avancée technologique. Notamment pour les creusers. Hé, hey, une belle deuxième ici ! Waouh, comment il est trop bien le nouveau tractopelle ! Du mou, donnez-moi plus de mou ! En avant les creusers ! On creuse, on creuse, on remue les genoux ! Plus souple le poignet, mon gars. Ce pot-à-force qui va aider à casser la pierre avec ta pièce, mon gars. C'est la précision. Oui, monsieur. Et ton père gouvernait bien, sous mes bons conseils, jusqu'au jour où... Qu'est-ce que t'as fait avec ta pelleteuse ? Mais c'est quoi cette lumière ? Mais c'est pas moi, j'ai creusé, moi. Il y avait un grand trou. La première porte menant au Nouveau Monde. Le premier grand trou. La première fois de toute la vie des Baefwesh que la lumière du soleil apparaissait dans les profondes cavernes des Baefwesh. Par notre désir d'expansion, nous avions creusé trop en hauteur. Et nous sommes arrivés à... Éole ? Oui, grand dirigeant, les creuseurs de la galerie 58E ont établi un contact avec de nouvelles... créatures. De nouvelles? Mais comment ça? Des êtres d'une race différente, grand dirigeant. Éole n'était pas encore la grande communauté d'aujourd'hui. Non, pas encore. C'était juste un arbre, un gigantesque arbre où tous les animaux respectaient une seule et même règle. Ici, les prédateurs ne peuvent attaquer leur proie. Un lieu où les animaux peuvent communiquer en marge des lois de la nature. Et les premiers contacts furent difficiles, notamment avec les écureuils. C'est quoi ça? C'est une pioche, mais lâche ma pioche! Mais très vite, les animaux du Nouveau Monde et les Bifouiches apprirent à se connaître, à s'apprécier même. Une amitié qui dura 10 bonnes années sans que la nouvelle ne se propage réellement à Wish City. Car ton père, Mila, était doté d'un des plus gros défauts qui puissent être. L'orgueil.